Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter. فأحببنا لهذا اليوم أن نقرأ عليكم شيئا من كلام العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة, مسألة الابتلاء والصبر. الصبر عند البلاء. أيها المسلم أخي الكريم, ça te montre أن les épreuves, c'est pas un signe que Allah subhanahu wa ta'ala il aime pas la personne. أبدا. بل المسلم il est محبوب عند الله et Allah subhanahu wa ta'ala il l'éprouve. Un cours donné par le frère Mounir Al-Maghribi حفظه الله تعالى au sein du centre d'études islamique Darul Hadith Al-Salafiyya de Dammaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنكمل بإذن الله عز وجل هذه الفوائد في الابتلاء والامتحان من كلام الإمام الرباني ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله فوصلنا إلى قوله رحمه الله فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع فلا فائدة فيه لا ينفع لأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل فإن قدر الله سبحانه وتعالى على العبد أنه سيموت في هذا المكان وفي هذا الوقت فلا ينفع الفرار سلافيت لا ينفع لأن ملك الموت il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et si Allah azza wa jal il lui dit, il lui ordonne de récupérer l'âme de Fulan à telle heure, il le fera. قال سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه أي cette mort que la plupart des gens ils la veulent pas, ils se sauvent, ils prennent la fuite, ils font tout pour pas qu'elle les atteigne. قال عز وجل فإنه ملاقيكم أي الموت لا محالة هذا. Personne pourra avancer ou retarder son échéance. وقال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت. فأما الآية أينما تكونوا, t'es en face de l'ennemi, ou t'es chez toi, ou t'es dans tel pays, ou telle ville. Si Allah il a qaddar annaka tamut, sa tamut. Aynama takounu yudrikkumul mawt. Qala azza wa jal, walau kuntum fi burujin mushayyada. Taqdiran min Allah subhanahu wa ta'ala. Walau la personne il a réussi à s'enfuir et il est dans une étoile. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il est qadir, et il est à la kulishin qadir azza wa jal, de reprendre l'âme de ce abd. Pas la solution, c'est pas la fuite. Abadan. La solution face aux épreuves, c'est pas baisser les bras. Abadan. La solution face aux épreuves, c'est pas désespérer. Abadan. La solution face aux épreuves, c'est ta'atullah. Wa ta'at rasouli alayhi salatu salam. Wa man yattaqillah. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. C'est ça la solution. La solution c'est l'i'tisam bil kitab wa sunnah. مخالفة الشرع c'est عين الفتنة. Le fait de désobéir ou contredire ou ne pas écouter ar-rasoul alayhi salatu wa salam, c'est ça le fitna. Et c'est ça l'ibtila en haqiqa qui fera du mal à la personne. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. C'est ça le fitna. ça ne fait pas que tu fais du mal à la personne. Mukhalafat al-Nabi alayhi salatu wa salam. Amma al-maut, Allah subhanahu wa ta'ala il a qaddar ala jami' al-makhlouqat al-maut. C'est pas une solution de penser en faisant telle chose, je vais peut-être échapper à la mort. Khasatan al-mujahid visabilillah. Al-mujahid visabilillah, il est confronté à la mort, au Rabbama plus que d'autres. Il combat. Lakin, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il mourra. Ça ne veut pas dire que celui qui fuit Rabbama, il sera préservé. Abadan. Abadan. On n'oublie pas Kalam Ibn al-Qayyim rahimahullah, na afdal al-mawtat, c'est le mawt fi sabilillah. Enfin, vu que tu vas goûter à la mort, voilà, enfin, autant avoir une bonne mort, et la personne il meurt ala al-tawhid ou ala sunnah ou fi sabilillah azza wa jal. Ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité deux exemples. Faqala rahimahullah wa'tabir dhalik bihali iblis fa'innahum tana'a min as-sujud li adam firaran an yakhda'a lah. Ça c'est un exemple. Il a donné des exemples. Anna la fuite, c'est pas la solution. Ou la désobéissance, c'est pas la solution. Abadan. Iblis alayhi la'ainullah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire sujoud li Adam. Iblis il a refusé. Stakbara wa kafara. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah firaran an yakhda' lah. Si tu médites bien, c'est quoi qu'a fait que Iblis, il a pas voulu se prosterner à Adam? C'est, il a pas voulu, d'après lui, se perdre sa fierté, ou s'humilier, ou se rabaisser face à Adam. Il a pas voulu Adam. Ce qu'on appelle al-kibr wal iyadu billah. Il a eu de l'orgueil. Enfin, il a refusé. Il a voulu s'écarter de cette humiliation pour lui, pour autre chose. Ta'ammal. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah li Adam firaran an yakhda' lah wa yadhil wa talaba i'zaz nafsihi fasayyarahu Allah adhal al-adhalli. Il a voulu préserver sa fierté. Il s'est enorgueilli. Il n'a pas voulu se rabaisser. Lillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a égaré. Et fil haqiqa, ça va devenir la créature la plus humiliée. Alors que si il serait prosterné à Adam, fil haqiqa, il aurait appliqué l'ordre d'Allah azza wa jal, et ça l'aurait élevé. Lakin al-mujrim, al-mutakabbir, il a pensé que en fuyant, en désobéissant, il va réussir. Alaykoum salam. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah wa ja'alahu ay ja'ala Allah Iblis khadiman li ahli al-fusuq wal fujur min dhurriyyatihi falam yarda bis-sujud lahu wa radiya an yakhdima huwa wa banuhu fusaq dhurriyyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a tellement humilié que Iblis est devenu le serviteur de tous les fussaq et tous les kafirs et tous les munafiqs. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu son bien et l'élever, il se prosterne à Adam. Il a délaissé ça, andhuru qu'il a fini. Tout ça Ibn al-Qayyim le cite pour te montrer, c'est pas en fuyant d'un ordre que Allah t'a donné que tu vas t'élever. Abadan. Même si tu penses que c'est mieux, même si tu penses que c'est bien, même si on te fait croire que c'est ça la solution, abadan, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Al-an Iblis il a désobéi. Il est tombé dans fitna. Aw yusibahum adhabun alim. Yawm al-qiyamah il est fin nar. Il est fin nar la'anahu Allah. Tout ça لانه il a voulu fuir d'un ordre et il a pensé qu'il allait s'en sortir seul. Allah il l'a égaré. لماذا لان ابليس c'est une créature parmi les créatures d'Allah عز وجل. Et Allah il fait ce qu'il veut dans son mulk. Allah il fait ce qu'il veut dans son mulk. Si la personne il se soumet pas, il se rabaisse d'Allah عز وجل, il pourra pas se fuir. لهذا cette dunya كن مع الله ولا تبالي كما قال ابن القيم رحمه الله. Sois avec Allah عز وجل ولا تبالي. T'es en sécurité بإذن الله. T'auras le dessus. إما النصر إما شهادة. La personne pense à la destination finale, al-Jannah. Deuxième exemple. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله وكذلك عباد الأصنام. Deuxième exemple, c'est avec les mushrikoun, ceux qui adorent les statues, les idoles. قال ابن القيم رحمه الله أنفوا أي كأنهم ما رضوا أي ما قبلوا أن يتبعون رسولا من البشر استكبارا وكفرا. المشركون تعلمون أن الله سبحانه وتعالى il a envoyé le messager محمد صلى الله عليه وسلم c'est un être humain comme eux. Ils n'ont pas voulu le suivre. Takabbur, kibr. Comment on va suivre cet homme? Il est comme nous. C'est un être humain comme nous. Kathir, mais non, ils ne l'ont pas suivi. Ben, ils l'ont accusé de fou, menteur, majnoun, sahir, kadhab. قال ابن القيم رحمه الله وأن يعبدوا إلها واحدة كذلك. Ils n'ont pas voulu هذا. Ubudullah wa la tushriku bihi shay'a. Ils n'ont pas voulu. Comment on va délaisser nos idoles? Pourquoi on n'adorait qu'un? قال ابن القيم رحمه الله سبحانه ورضوا أن يعبدوا إلهة من الأحجار. الله les a humiliés. Une divinité. Ils reconnaissent que c'est le créateur. ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Si tu leur demandes qui c'est qui a créé Sama wal Ard eux-mêmes, ils disent c'est Allah. Ils reconnaissent. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il les a ordonné d'adorer, de l'adorer seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur ordonne. Ils ne veulent pas, kibr. Ils pensent que la solution, c'est de tourner le dos et de suivre leur passion. Allah, il les a humiliés, ils adorent des pierres. Sauf, ils ont délaissé ma huwa khair pour quelque chose adna. حتى بعض هؤلاء الضلال ربما il adore تمر une date il a faim il la mange il est humilié خلاص ثم il est obligé de chercher une autre date c'est son إله أو il adore un caillou il trouve un caillou meilleur il jette le caillou le premier il adore le deuxième ذل وخذلان c'est من الله سبحانه وتعالى tout ça ابن القيم الآن il nous éduque رحمه الله il te montre أن t'es un عبد et t'as un رب t'as un رسول son رب tu l'adores et son rasoul tu le suis alayhi salatu wassalam. Tout ça pour te préserver de la balwa et de la fitna. Et si une épreuve elle te vient, fa taqaddam kathir min al-fawa'id, et on va en voir d'autres. Nafs al-shay pour le jihad. Nafs al-shay, si on vient à comparer cette fa'ida qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah nous a cité par rapport au jihad al-a'da, et cette épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve avec ses serviteurs, pas nafs al-shay. قال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. انت الان اتقوا عبد الله تا prescrit a ordonné cette ibada al jihad. كتب عليكم القتال كتب اي فرض سواء واجب dans certains cas bien sûr. مثلا notre cas نحن on se défend il nous attaque injustement c'est واجب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. Ce قتال النفس خاصة au départ لا ترتاح لا. لأن ربما la personne il est blessé il est tué ربما il va goûter à la faim à la peur. فهذا الله سبحانه وتعالى إلا qualifié كتب عليكم القتال وهو كره لكم. صحيح. هكذا النفس il n'aime pas cette chose. لكن الله سبحانه وتعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. C'est exactement هذا. Peut-être que cette chose تكرهها et c'est un خير لك. Ça te montre أيها العبد. C'est pas une chose en apparence t'aimes pas ou tu penses qu'il n'y a pas de faïda. C'est forcément un char. لا. Tu reviens au kitab et au sunnah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète عليه الصلاة والسلام ils t'ont montré que c'est un bien, اصبر. C'est un bien. اصبر. وقال عز وجل وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Comme on a expliqué hier, Allah c'est lui qui sait. أنت ربما tu penses que cette chose y a une faïda pour toi, والله c'est un mal. Ou cette chose c'est un mal pour toi, والله c'est un bien. فاعتصم بحبل الله عز وجل وتوكل على الله بإذن الله تعالى خير. توبي الله سبحانه وتعالى. الفائدة التي بعدها وهي قول ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الفوائد. قال رحمه الله: فالنعم ابتلاء من الله، حتى النعمة c'est un ibtila. Est-ce que tu vas être reconnaissant, Amla? Tes enfants, c'est un ibtila pour toi. Ta femme, c'est un ibtila. Tes biens, c'est un ibtila. T'as la bonne santé, c'est un ibtila. Allah, il t'éprouve. Est-ce que tu vas être reconnaissant, Amla? C'est pour ça que toutes ces choses, ça peut se transformer en adou. Et ça te fait du mal. Si tu n'es pas reconnaissant, et si tu ne te comportes pas avec ces bienfaits qu'Allah t'a donné, bi ta'atillah. قال فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور. هذا ست نعم الآن que Allah t'a donné, c'est un ابتلاء. Comme on a dit أمس la parole d'Ibn al-Qayyim, on a personne يسلم في هذه الدنيا. Tout le monde sera éprouvé بالخير بالشر بالنعمة بالنقمة بالمرض. Tu seras éprouvé لابد. فالآن حتى النعمة سالي ابتلاء. Et tu comprends mieux الآن pourquoi le kuffar Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne beaucoup de choses via cette dunya. ابتلاء il les éprouve وهم لا يشعرون. Il les éprouve, il les éprouve, il leur donne حتى يكفرون et يوم القيامة ils donneront des comptes, ils rendront des comptes. قال كما أن المحن بلوى. هذا سوى واضح. المحن c'est les épreuves, c'est une بلوى كذلك. فالنعمة والبلوى أو النعمة والمحن c'est من البلوى. Les deux. قال فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. صحيح. T'es éprouvé et tu seras éprouvé. إما avec le مصائب des catastrophes. مثلا maladie, pauvreté. إما avec le نعم la richesse, la bonne santé. Dans les deux cas t'es éprouvé. أيها العبد. قال عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Le premier cas الآن il est cité في سورة الفجر. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذا الآن الله سبحانه وتعالى il lui a donné النعمة. فأما le début du verset فأما الإنسان إذا ما ابتلاه الابتلاء. الابتلاء الآن il est cité بالنعمة. قال عز وجل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. تأمل الآن ce verset الله سبحانه وتعالى il dit كلا. أي c'est pas comme il pense هذا العبد. قال ابن القيم رحمه الله أي ليس كل ما وسعت عليه. أي il explique la parole d'Allah عز وجل. قال وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. C'est pour ça qu'Allah il a dit كلا. لأن le premier cas cette personne que Allah lui a donné ses ni'am, la personne il dit akraman, ay Allah il m'a honoré. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, Allah il lui a pas donné beaucoup de ni'ma, rubbama il l'a éprouvé avec la pauvreté, avec les maladies. Cette personne il dit fayaqulu rabbi ahanan, Allah subhanahu wa ta'ala il répond kalla. C'est pas forcément celui à qui j'ai donné des biens, je l'ai honoré. Abadan. Obama c'est un kafir, il est éprouvé. Et c'est pas toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a restreint chez min al mal, ou il l'a éprouvé avec les maladies, que c'est une ihana. Allah il a dit kalla. C'est pas hakada. Tastavid min hada? Anna, c'est pas que t'es éprouvé que Allah il t'aime pas, comme on a vu Ams. Mais yurid Allah bi khayran yusib minh. Et c'est pas tous ceux à qui Allah il a donné la paix en apparence, la bonne santé, femme, enfant, argent, annahu il n'est pas éprouvé. Kalla. Al-Mizan c'est quoi? Al-Taqwa. Celui qui a la taqwa, a la tawhid, a la sunnah, celui al-mukram. Voilà aussi il n'a rien. Voilà, il dort dehors, il mange pas, il a pas d'argent, il est mukram min Allah. Il est mukram bit tawhid wa sunnah. Et c'est pas tous ceux qui ont de l'argent, des biens, femmes, enfants, annahu il est mu'azzaz. Abadan. Hada il est makhdoul. il est makhdoul bi kufri wa bi ma'siyati. Fata'ammal hada. Ta'ammal. Ba'dannas il pense que si tu es éprouvé, c'est un châtiment forcément. Abadan. C'est un rif'a min Allah azza wa jall. Tant que cette épreuve, la personne il se comporte avec le kitab et le sunnah. كذلك نحن on retire comme leçon min hada anna la personne là il retarde toujours avec le confort, toujours avec la paix. Ça c'est des choses que la personne il aime, nafs salam hada. Lakin si Allah t'a éprouvé, t'as passé chose, isbir. Amma on revient toujours la fuite et espérer avoir le confort, la paix, en rubbama c'est sur ton din. Rubbama si tu patientes pas, tu feras des concessions dans ton din. Et rubbama t'ouvre une porte d'égarement. Ta'ammal hada ya akhi. هذا الكلام الذي من كتابه النافع الفوائد. ثم قال رحمه الله قال ابن القيم أفضل العطاء وأجله على الإطلاق الإيمان وجزاؤه وهو لا يتحقق إلا بالامتحان والاختبار. Cette ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, l'iman, le tawhid, le sunnah, c'est a'azam ni'ma. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. C'est une ni'ma. Et c'est a'azam ni'ma. L'islam qui est fondé sur le tawhid et le sunnah. Cette ni'ma, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il te montre qu'elle la tatahakkak. La tatahakkak. Cette ni'ma, il faut la préserver et il faut la parfaire. Il y a des conditions, il y a des annulations, il y a des choses recommandées. Plus la personne y fait, il applique les ordres, plus bi'idhnillah son iman y monte. Enfin, cette ni'ma, tu n'arriveras pas à la parfaire. Illa bil-imtihan wa l'ikhtibar. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'éprouver. Il va t'éprouver. Hatta ta'lam, est-ce que tu es sadiq amla? Est-ce que tu es sincère amla? Est-ce que tu es véridique amla? Est-ce que tu tiens à cette ni'ma amla? Qala ibn al-qayyim rahimahullah, qala ta'ala, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Verset du Coran al-Karim. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré à ses ibad, ahasib al-nas, an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Est-ce que vous croyez que vous allez croire, vous allez suivre ce din, et Allah il ne va pas vous éprouver? Qala azza wa jal, wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Ceux qui sont venus avant vous, ils ont cru, Allah il les a éprouvés. On a cité hier l'épreuve d'Ibrahim. Ibrahim alayhi salatu salam, Allah il l'a beaucoup éprouvé, les anna son iman il était qawm. Hatta a'da Allah ils l'ont jeté dans le feu. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah il l'ansar. Ha'oula ils ont été éprouvés. كما قال عز وجل ولقد فتن الذين من قبلهم قال عز وجل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Tout ça, hatta, il y a une différence entre le véridique et le menteur. Celui qui a iman qawi, celui qui a iman dhaif. Hada, Allah il est juste. Allah il est juste. Il éprouve l'ibad pour faire la différence subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ya'lam kulla shay. Lakin c'est l'iqamat al-hujja ala l'ibad. قال ابن القيم رحمه الله قال فالألم واللذة أمر ضروري لكل إنسان. ابن القيم الآن يبقى نوز اكسبليكي نحن نختصر الكلام. ابن القيم رحمه الله الآن يبقى يتموت أن dans cette dunya tu souffriras ولا بد لأن الله يبقى تبخوبي خاصة si tu es un مؤمن tu souffriras لا بد. C'est une dunya, c'est pas le jannah. Dunya c'est dar imtihan ou akhtibar. C'est une terre, une demeure, t'es éprouvé. Est-ce que tu vas réussir à me là ? C'est un test. Ibn Qayyim yaqul, fal-alam wal-ladha amrun daruri li kulli insan. Chaque personne, il souffrira alam, il aura des douleurs, kadhalik al-ladha. Et il aura des joies. Hakadha al-insan. Un jour il est content, un jour il est triste. Un jour il sourit, un jour il pleure. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, lakin qala aw امر ضروري لكل انسان لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير والاجل الدائم العظيم c'est ça le فرق لكن la différence c'est cette joie fait dunya elle va se couper elle va s'interrompre كذلك cette joie il y aura des manques كذلك la tristesse La tristesse fait dunya, c'est une tristesse qui, bi'idnillah, pour le mu'min, ça s'arrêtera. Les souffrances, kadhalik. Ibn Qayyim al-An, il te montre, fais bien la différence. Si tu es un mu'min et tu souffres, sache que ça s'arrêtera, bi'idnillah. Si tu es à la haqq. Et celui qui rentre fil jannah, il ne connaîtra plus jamais de tristesse. La haqiqa, cette souffrance, elle est limitée. Tu patientes, et bi'idnillah, tu as la joie éternellement. Et le mu'min, il sera heureux éternellement. Al-kafir, c'est l'inverse. La taqtar, ces joies qu'il a l'an, cet orgueil, c'est limité dans le temps. Allah, il l'éprouve. S'il meurt sur son coffre, il ira fin nar et il goûtera plus jamais à la joie. Azab fawq azab. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salama wa al-afiyah min an-nar. Qala wa lihadha kan khassatu al-aql an-nadhar fi al-awaqib wa al-ghayat. هذا مهم يا جماعة خاصة طالب العلم il voit loin بعض الناس il a une épreuve il focalise sur cette épreuve حتى lui fait du mal يفشل لأن il voit pas loin il est atteint d'une épreuve il croit que ça va jamais finir on a expliqué أمس حتى الكفر الكافر il se suicide بل بعض العصاة من المسلمين tellement son iman est ضعيف il croit que c'est la fin il n'en peut plus Ibn Qayyim al-An, il t'a cité cette faïda pour te montrer l'épreuve que tu vis, elle s'arrêtera. Patiente. Patiente. Serre les dents, accroche-toi, mais idnillah, ça passera. Tu vas mourir, si tu es à la tawhid, mais idnillah, tu es min ahli al-jannah. Et ça s'arrêtera. Hakad al-aqid al-muslim, il voit loin. Fait dès que tu es touché par une épreuve, vois loin. Patiente, obéis à Allah Azza wa Jal, et vois loin, mais idnillah, ça s'arrêtera. Patiente. قال ابن القيم رحمه الله فمن ظن أنه يتخلص من الآلام بحيث لا يصيبه البتة فظنه أكذب الحديث صحيح celui qui pense qu'il sera préservé fait dunya il peut s'enfuir et aucune épreuve elle le touchera shaitan il joue avec lui فقط c'est une éducation pour toi tu seras touché par l'épreuve si elle vient patiente et voit loin bi'idnillah ça s'arrêtera comme tu patientes chez le médecin maintenant tu vas au médecin au dentiste maintenant le dentiste t'as des douleurs chadides tu sais tu patientes tu vois loin tu patientes mais idnillah il t'enlève cette dent comme la douleur elle s'enlève et idnillah t'es à la khayr mais t'es obligé de passer par cette douleur t'es obligé hakada cette dunya tu patientes ça passe qala ibn al-qayyim rahimahullah قال فظنه أكذب الحديث فإن الإنسان خلق عرضة للذة والألم والسرور والحزن والفرح والغم هذا الإنسان il a été créé pour هذا أي cette dunya il passera par ces étapes celui qui pense هكذا الكفار الكافر il fait tout pour s'échapper de ces choses fait tout pour s'échapper de la douleur de la tristesse ils font tout حتى la vieillesse vous avez remarqué il essaye de s'en échapper C'est un kafir, il voit pas loin. Wahida, elle a 80 ans, elle veut apparaître comme une femme de 20 ans. Ils n'ont pas d'aqida, c'est des animaux. Mais le mu'min, là, il sait qu'il goûtera à la douleur. Rubbama, s'il reste vivant, à la vieillesse. Rubbama, à la maladie. Et patiente, ça passera. Son tawhid, bi'idnillah, il fera de lui un mu'min jeune, fil jannah, et il vieillira jamais. C'est tawhid. C'est ma'asi des chirurgies esthétiques, c'est des ma'asi, et ils essayent de couvrir un mal. Ils se rassurent. قال ابن القيم رحمه الله قال عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم ثم إلى استدل avec ce verset الرجاء t'espères la rencontre d'Allah Azza wa Jal. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا آتِ. Celui qui espère la rencontre d'Allah, elle va venir. Tout le monde. Mais si toi t'espères et tu meurs à la tawhid et tu meurs et tu es obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, ça te rencontre, ça sera que du bien. Cette dunya, c'est qu'une étape. On a un maw'id, on a un rendez-vous. On aura à rendre des comptes. Cette dunya, c'est une étape, on prépare l'akhira. Adam ibn al-Qayyim t'a cité ce verset pour te montrer, ayyuhal mu'min, cette dunya elle va passer. Prépare ce jour. Prépare-le bit tawhid, prépare-le bit tawakkul ala Allah, prépare-le bit ta'a, prépare-le bit sabr. Et c'est ça la vraie vie. C'est l'éternité. Amma cette vie, tasbir, c'est quelques lahadat. Qala, fa'idha tasawwar al-'abd أجل ذلك البلاء وانقطاعه أهان عليه ما هو فيه وخف عليه حمله. هذا c'est ça qu'on dit. Si la personne il sait que cette épreuve qu'il vit, elle va s'arrêter, elle va se couper, elle va s'interrompre un jour ou l'autre, bi'idhnillah azza wa jalla, inshallah cette épreuve elle va être minime par rapport à lui. Il sait que ça va s'arrêter. Mais balouk wahid, il est dans une épreuve, khalas, il croit que ça s'arrêtera plus jamais. Ça va être très difficile pour son cœur de supporter. قال ابن القيم رحمه الله ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بالمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه وكان العامل إذا علم أن ثمرة علمه وتعبه يعود عليه وحده لا يشكره في غيره كأن أتم اجتهادا وأوفر سعيا. هذا ست إتاب أي الدنيا ست إبخاف لابد تجاهد نفسك لابد في الجهاد أطوامي ما تونك لابد تكون با الشيطان لابد تكون با للسيرفيتور دو الشيطان لابد حكمة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ابن القيم يتمنطر que ça c'est pour toi. Allah il a pas besoin de toi. Allah il est capable d'anéantir ses ennemis في لحظة. لكن c'est pour toi. Est-ce que tu vas réussir أم لا؟ فلهذا قال عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. C'est pour toi. أما الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض. Tu lui rajoutes rien أيها العبد et tu le diminues en rien. Si tu obéis, c'est pour toi. Si tu désobéis, c'est contre toi. أما الله سبحانه وتعالى إلى الملك المطلق عز وجل. قال وأيضا فلا يتوهم متوهم أن من فعل هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله سبحانه وتعالى. Attention هذا الظن. And une personne il pense que cette mujahada qu'il fait, Allah il a besoin. Na'oudou billah. Abadan, Allah il n'a pas besoin de toi, ayyuha al-abd. Haqiqa, c'est il t'a éprouvé, il t'a créé. Si tu arrives à affronter cette épreuve, c'est pour toi. Si tu n'arrives pas, c'est contre toi. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala fa innahu ghaniyun 'anil 'alamin. Il a besoin de personne, azza wa jal. Qala lam ya'murhum bima amarahum bihi haja minhu ilayhim wa la nahahum 'amma nahahum 'anhu bukhlan minhu 'alayhim bal amarahum bima ya'ud naf'uhu wa maslahatuhu 'alayhim. Hada hadi al-'aqida al-mu'taqad al-muhim. Haqiqa cette aqida va pousser à te rabaisser lillahi azza wa jal et à revenir à lui. Mais une personne qui pense qu'une autre elle a besoin de lui, Rubama il ne se rabaissera plus. Rubama il va penser que cette chose elle a besoin de lui. Là, fi haqqil azza wa jal abadan, il n'a pas besoin de toi. Bah, tu es obligé anta de revenir à lui. Lianna, c'est toi qui as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن ندى فقراء ندى مساكين ندى ضعفاء. أما الله سبحانه وتعالى رب العالمين الحي القيوم. قال ونهاهم عما يعود مضرته عليهم في معاشهم ومعادهم فكانت ثمرت هذا الابتلاء والامتحان مختصة بهم واقتضت حكمته أن نصب ذلك سببا مقضيا إلى إلا ليميز الخبيث من الطيب والشقي من الغوي ومن يصلح له ممن لا يصلح. قد يقول قائل سيكون الحكمة، الحكمة سهذا إقامة الحجة على العبد حتى يوم القيامة، فلان لا غيسي فلان لا بغيسي، فلان لا باسيونتي فلان لا باسيونتي. اي الله سبحانه وتعالى يجوج العباد بعدل. قال ابن القيم رحمه الله إلى آخر. نعم، هذه الفوائد vous avez remarqué أن كثير منها متعلقة بالعقيدة والتوحيد، كثير منها. Vous avez remarqué que dans ces فوائد ابن القيم il parle pas d'armes, il parle pas d'entraînement. Il sait très bien رحمه الله أن الابتلاء ce qui arrivera ou ce qui t'aidera أيها العبد à patienter et à faire face, c'est ton cœur. وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلهذا ابن القيم رحمه الله يأبوي جدا في التوكل على الله، في التوحيد، في الصبر face aux épreuves. إلا با cité رحمه الله des choses matérielles، لأن il sait très bien رحمه الله أن le matériel ça suit العقيدة. Si tu as une bonne عقيدة et tu as du matériel بإذن الله ça t'aidera. والله tu peux avoir le matériel que tu veux moderne ou des nouveaux ou bikatra ou غير ذلك. Si ton cœur ne suit pas, والله tu iras pas loin. Allez, هذا رحمه الله il a appuyé أيها العبد ce qui t'aidera بإذن الله عز وجل c'est صفاء قلبك, c'est de purifier ton cœur. Tout ça نحن on en retire après avoir lu ces فوائد أننا في هذه الأيام وفي غيرها لكن في هذه الأيام أكثر cette période de امتحان qu'on vit et de بلاء la personne يجتهد في العقيدة في تعليم عقيدته. C'est ça qui fait la différence. قديما وحديثا. L'être humain, il a deux bras, deux jambes. Le kafir, le mu'min. Un tas, tu vas mettre un coup, il va t'en rendre un. Ce qui fait la différence, c'est l'aqida. T'es thabit, tu patientes, il baissera les bras avant toi. Hada. An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté jiddan. En face de lui, c'était des êtres humains. Ils manipulaient le sabre, l'arc. Ils manipulaient le combat comme eux. C'était des Arabes. Ils ont grandi ensemble. Lakin, ce qui a fait la différence, c'est l'aqida. Alihada, An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué ses compagnons des années avant de faire le jihad. Ala al-mu'taqad al-sahih. Des années. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسك لطخن محقا سهذا لأن المؤمن كان كور كي فوندي سور التوحيد سور التوكل على الله والله يبفر 30 كيلو 30 كيلو زي مسكين 1m30 كيلو لا يتزعزع والله يبوجغا با أبدا يغستغا en face de l'ennemi حتى tu le mets en morceaux. Tu peux trouver Wahed, il fait 2 mètres, il a fait du sport, il a fait des entraînements. Il n'a pas une bonne aqida, la moindre chose, le moindre bruit, il n'est plus là. C'est quoi la différence? Al-aqida. Al-anbiya wa al-rusul, ils ont éduqué leur umam ala hada. Les choses que tu as besoin, il faut faire les causes. Tu auras besoin de matériel, tu auras besoin de certaines choses. Lakin, ça suit l'aqida. Si on inverse cet ordre, c'est le début de l'hazim. C'est pour ça que les ulama, warathatul anbiya, souvent quand on leur pose des questions sur le djihad, dans certains pays, est-ce qu'il y a le djihad, est-ce qu'on peut, souvent, ils appellent les gens à travailler l'aqid. Comment tu veux combattre un ennemi, tu as la même aqid que lui. Al-Yahoud ou al-Nasara, al-Yahoud, ils adorent Uzair, al-Nasara, ils adorent Isa. Tu trouves des musulmans, ils veulent faire le djihad, ils adorent une tombe. Tu veux combattre une personne qui a les mêmes défauts que toi. Tu mérites d'être combattu si tu ne veux pas de taouba. C'est quoi la différence? C'est ce cœur. On purifie ces cœurs. C'est important. C'est un silah azim. الذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجهاد يفزي بكو الذكر لأن الذكر سوى غفر ميغتون كور ودائما تترابل دالله سبورساك اللي أبل ذكر ونتجي مثلا هل تذكر هذا اسكو تترابل الذكر سلو رابل دائما la personne il est في الذكر خاصة في الجهاد حتى لا يعتمد على غير الله لا يعتمد. مثلا si tu fais le dhikr لا حول ولا قوة إلا بالله, tu sais أن لا حول ولا قوة لك إلا بالله. En faisant ce dhikr, khasatan, tu le fais bil-lisan ou bil-qalb, anta tafijihat, et tu sais très bien que tu auras le dessus que si Allah y veut. Et cette arme que tu as ou les efforts que tu fais, c'est un sabab parmi les asbab. Wa nasru min indillahi azza wa jal. كذلك الدعاء كذلك الدعاء la personne يكثر من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم avant de combattre في بدر ou في احد, toute la nuit, alayhi salatu wassalam, il fait du'a. Et c'est Khalil al-Rahman. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. C'est la personne la plus aimée indallah. Et Allah, il lui a promis qu'il allait secourir. Ma'a hada, toute la nuit. Tous les compagnons se sont endormis. Wa huwa, alayhi salatu wassalam, il lève ses mains, il fait du'a. Jusqu'au fajr. Il n'a pas goûté au sommeil. Le lendemain, ils combattent, ils ont le dessous. هكذا. Ce dua الآن que tu vas faire, ça montre que tu es un abd, que tu as une bonne aqidah, que tu ne mets pas ta confiance dans le matériel. Tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te secourt, Allah il te secourra même si tu as des pierres. هذا الدعاء الدعاء في هذه الأيام faire beaucoup de dua. Allah subhanahu wa ta'ala يسمع, il entend ton dua. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وعد من الله والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. الله il nous a promis que si on l'invoque il nous répond. يا اخي invoque ان الله سبحانه وتعالى يهلك هؤلاء, ان الله سبحانه وتعالى يجعل بأسهم بينهم, ان الله سبحانه وتعالى يفرق جمعهم, وهكذا. Et tu fais du'a كذلك pour ton cheikh, لانه يتحمل اعباء كثيره, تحمل des choses انت ربما t'imagines pas ou tu sais pas. Enfin, tu fais le dua qu'Allah il le waffaq. Tu fais le dua kadhalik pour tes frères. Tu fais le dua kadhalik pour toi. Tu fais le dua kadhalik an Allah subhanahu wa ta'ala yahfad hadhi da'wah. Ça c'est important ya jama'a. Si on fait le dua et Allah il nous exauce, khalas, bi'idhnillah on aura le dessus. Voilà but. Kadhalik, on retient de ces fawa'id qu'on a cité as-sabr. As-sabr. Beaucoup du calam d'Ibn Qayyim qu'on a lu, rahmatullah alayh, ça nous a montré an l'ibtila, il arrivera, wala bud, lakin, si on patiente, ça passera. Si on patiente, bi'idnillah, ça passera. Fassab, patience. Kadhalik al-ihtisab, ça c'est muhim. Tahtasib, tahtasib, si t'es à la garde, tahtasib. Si ils te font du mal, tahtasib lillah azza wa jalla. Et tout ce que tu fais l'an, c'est pas pour toi. C'est pas pour une terre, c'est pour ad-da'wah. Cette da'wah qui propage le tawhid, qui propage le sunnah, kadhali qui sont injustes envers des muslimines, fa anta tahtasib hada. Et bien, idnillah, chaque jour, t'as du ajr. Tout le mal qu'ils te font, eux, ça se transforme en péché, anta bi idnillah, ça se transforme en hasanat pour toi. Et t'es gagnant. Fasbir. واحتسب. كذلك من الفوائد on retient de tous le كلام qu'on a lu d'Ibn Qayyim. لا تظن أخي أن الابتلاء, t'as le droit de le demander. Il y en a tous au fond de l'âne. On a vu, l'ibtila, ça te pardonne tes péchés, ça t'élève en degré. Et idnillah, c'est la route qui mène à l'jannah. Allah, il aime ceux qui l'éprouvent. Lakin, ne comprends pas. Anna, tu demandes à Allah, Ya Rab, éprouve-moi. La yajouz hada. Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, kana yasta'id billah min al-bala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces du'a, il demandait à Allah, Azza wa Jal, Ya Rab, aide-moi à patienter face aux épreuves, ou ne m'éprouve pas. Comment tu vas réagir. Si cette épreuve, elle vient, patiente. Amma la demander là. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi al-hadith al-akhar, la tatamannaw liqa al-adu. واسألوا الله السلام والعافية وإذا لقيتموهم فاثبتوا. C'est دليل المسألة. العدو c'est une baloie, c'est un ابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a ordonné, il nous a montré, لا تتمنى, n'espère pas rencontrer l'ennemi. Ma tadri, comment tu vas réagir. Tu sais pas, est-ce que tu vas être de ceux qui ont patienté ou qui ont pas patienté. Tu sais pas est-ce que tu vas être de ceux qui ont avancé ou qui ont tourné le dos? فَلَا تَتَمَنَّ هَذَا. Demande toujours à Allah السلام والعافية. Et si tu éprouves, عَزَّ وَجَلَّ, il t'éprouvera, tu ne l'as pas demandé, et tu patientes. Tu patientes et tu appliques toutes les leçons qu'on a tirées des paroles d'Ibn Qayyim rahimahullah. هَذَا c'est مهم. كذلك من الفوائد on retient de tout ce calam qu'on a cité أن المكر على هذه الدار il est شديد وهذا tu le sais إن شاء الله المكر على هذه الدار il est شديد من الأعداء من المنافقين من الكفار من أهل الضلال cette ni'ma الآن que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné préserve-la. الدراسة والتتلمذ على هذا العالم الجليل سنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. لكن تُسَيْ أنت تُسَيْ très bien أن ما من خير إلى été combattu. La da'wa qu'il y avait في بغداد à l'époque en Irak à Bagdad à l'époque de l'imam Ahmed, il y avait des ulama partout. ما من مسجد les imams نحن الآن les pays où qu'on vit les imams. Les mosquées, c'est des imams. عندهم, c'était des ulama. L'imam Ahmed, وكثير منهم, ils étaient في بغداد. Ce khair, al-a'da, ils l'ont combattu جدا. Hatta il a disparu. هذا c'est une faïda pour toi. أن ما من خير, il est combattu. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, الكفار, ils ont essayé de la combattre. يعني, dans son fief, al-Madina. Ils ont entouré le Nabi صلى الله عليه وسلم, al-Ahzab. Et ils ont essayé de finir avec cette da'wa et de tuer le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La patience, il a eu le dessus. Hakada même une khayr, il est combattu. Hada al-khayr, hadi dar, elle propage le tawhid, elle propage le sunnah. Elle fait sortir des du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala. Huffat Quran. Des sunni ala al-jadda. Bi'idni Allah azza wa jal. Fala shak anna al-kuffar, ça ne leur plaît pas. Ils combattent autant qu'ils peuvent, et autant qu'ils peuvent, fasbir, autant que tu peux, anta. Les nahoum, ils veulent faire du mal en éliminant cette da'wa, anta patiente. Et bien, idnillah, tu seras une cause parmi les causes que cette da'wa a avancé. Al-makri li shadid, dit-elle. Al-makri li shadid. Au bas de l'an, ils s'en fient rafle. Au bas de l'an, ils s'en fient rafle. Ils pensent, nanana, on fait ça pour telle chose, ou pour. Na'oudou billah. طلبت العلم ils étaient chez eux في بيوتهم في مساجدهم ils étudiaient الكتاب والسنة وهؤلاء الضلال الزنادقة ils leur font d'injustice فما لنا إلا on repousse. Nous, on n'est pas des chrétiens. T'en prends une dans la joue droite, tu t'en la joue gauche, abatan abatan. T'en prends une dans la joue droite, bi'idnillah on lui rendra plus fort. Nous, on cite ça pour montrer aux personnes de l'extérieur on n'est pas injuste. On repousse. Ouais, il veut rentrer chez toi, il veut te tuer, il veut te faire du mal. Les chrétiens, ils auraient tendu la joue gauche. Nous, on est des sunnis. On apprend le kitab au sunnah et l'an, c'est le moment de l'amen. Tout ce que tu as appris l'an, ta aqida, tout ce que tu as appris bil-jihad, tout ce que tu as appris concernant les épreuves, l'an, c'est ça, applique l'an. Il apprend, il applique. L'an, on a vu waqt, amal. Et en même temps, ilm, les deux. Ilm ou amal. كذلك إن شاء الله فيني avec هذا أن on informe نخبر الأقارب والأحباب et ceux qui demandent après nous les gens de l'extérieur كثير منهم يسأكّد on les informe أننا on est بخير أننا on est بخير et تعلمون أن ceux qui sont à l'extérieur ربما ils souffrent plus que ceux qui sont à l'intérieur لأن ils ont des informations. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة. L'information c'est pas comme quand tu vois la chose, c'est pas pareil. فربما eux masakin ils voient une information أن فلان il a été tué, أن فلان il a été blessé, أنهم ils sont en période de blocus. الحقيقة eux ça leur fait beaucoup de mal. لأنهم ils aiment الدين, ils aiment leurs frères. نحن on les rassure أننا on est بخير. والله on est في هذه النعمة. Nous dorons, Allah alhamd, on mange, on boit, et on est vini'ma. Wallahi, comme on a dit, c'est nous, on s'inquiète pour eux, jiddan. Wallahi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous, on est fi khayr. on a le dessus. Allah subhanahu wa ta'ala yumakkin man sha'a min ibadih. Et si nous arrive quoi que ce soit, c'est fi sabilillah. Amma, nous, la souffrance qu'on ressent pour ceux qui sont à l'extérieur, wallah, elle est shadida. Et non, c'est le mal. Nous, on est combattus par ha'oula avec les armes. Walillahi l'hamd. On a des étudiants, ça fait des années ils sont éduqués à l'aqida, ils ont de quoi repousser. Le haqiqa, ils font pas grand chose. Celui qui meurt min al-ikhwan, bi-idnillah, on espère qu'il est fi khayr. Et on connaît le mal du adou. On connaît le mal du adou. Et le adou, il est terrorisé, walillahi l'hamd. Il sait qu'en face, il y a l'aqida sahiha. Amma ha'oula, les pauvres, le haqiqa, ils sont comme nous. Et ils s'en rendent pas compte. Ben, ils sont dans une situation plus critique. Les annahum, ils sont au milieu du hadou. Et ils sont combattus de toutes parts. Et ils s'en rendent pas compte. Nous, on entend le bruit des armes, on entend ça. Eux, ils entendent pas tout ça. Lakin, c'est leur cœur qui est combattu. Voilà, yash'urun. Allah, ils combattent leurs enfants. Ils combattent eux, ils les combattent avec le mal. Nous, ha'oula al-a'da, ils nous combattent en nous faisant un blocus. Wallah, eux, ils sont combattus. Le kuffar, ils leur donnent. Haqiqa, c'est un combat plus dangereux. Yanna, nous, l'an, ils nous font du mal, ha'oula. Ils veulent nous faire du mal. On le sait. Tu trouves même Ba'd al-Awam. Min Ahl al-Bilad, il est vieux, il connaît rien, mskin sa'aqida, rien du din. Lakin, tellement qu'ils lui font du mal, il les déteste. Amma, hunak, ils font tout en apparence, ils leur donnent. Tu trouves yartarruna bihim. Haqiqa, c'est ça, al-ghazou, al-akhtar. C'est ça le vrai combat. Ils sont combattus, voilà, yash'urun. Enfin, nous, on les rassure, on les bikhayr. Et comme vous nous dites, fais attention, sors, tu penses pas à partir, kada. Nous, on est sûr de nous, on te dit sors, sors. Pars quand tu peux, préserve ton din. Amma, nous, on est bikhayr. On va aller où? On est bikhayr. On a un programme, walillah ilham. On a des choses à faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui qaddar, et nous on fait les asbab. Et parmi les asbab, c'est de se défendre. La nasiha qu'on fait à ha'oula, c'est qu'ils fassent attention, hum, kadhalik. Nahnu bi'idnillah, dans peu de temps, inshallah, hatta l'an, c'est calme. Et bi'idnillah, on aura le dessus, et inshallah, ça sera fini. Amma anta, tu vis au milieu du adou, la seule solution pour que ça s'arrête, bi'idnillah azzawajal, c'est que c'est toi qui t'écartes. Comment tu vas faire? T'es tout seul, tu vas combattre tout le monde. T'es combattu, tu le sais même pas. Qu'est-ce que tu vas combattre? Te défendre, tu peux même plus te défendre, tu sais pas que t'es combattu. Wallah, et cet argent qu'il te donne, ces aides, wallah, ils combattent ton deal. Cet enfant que m'a adri ce cœur, que tu vas, tu le mets chez l'adou, à l'école, ils le combattent l'ail nahar. À la fin de la journée, ils te rendent un cadavre vivant, wa anta la tadri. Ça y est. C'est pire que des coups de Kalachnikov qu'ils lui ont mis. Wa anta la tadri. Amma nahnu wallahi alhamd, les enfants, là, ils sont en sécurité, wallah. Ils sont à la aqida, ils apprennent leur din, ils sont préservés. Les frères, kadalik. Hada. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على هؤلاء الضلال الروافد ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين حياكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا